C'est bon, on n'a rien oublié ? Yep, on a tout. Tu mets le GPS ? Je suis en train. T'es prêt, allons-y. Ah, faut qu'on passe prendre de l'essence, on est quasi vide. Dac, pas de soucis. Tu vas à la station près du supermarché ? Ça va nous faire faire un détour. Bon, le GPS recalculera, t'inquiète. Ok, on y go alors. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Et là, on va tout droit. Tournez à gauche. Tu vois, il recalcule le trajet. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Et là, toujours pas. Tournez à gauche. Dans 100 mètres, faites demi-tour. Oui, oui, on fera demi-tour après avoir pris l'essence. Faites demi-tour. Pauvre GPS. Dans 200 mètres, faites demi-tour, s'il vous plaît. Tiens, ils ont une option politesse maintenant ? Faut croire. Faites demi-tour, maintenant. Pardon ? Vous n'avez pas fait demi-tour. Très bien. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la quatrième sortie. C'est faire demi-tour, en fait. Oui, mais non, on va tout droit. Prenez la quatrième sortie. Pourquoi vous ne m'écoutez pas ? Dans 200 mètres, tournez à droite dans le parking, puis faites demi-tour. Enfin, on rentre pas chez les gens comme ça. Et depuis quand tu prends des initiatives, toi ? Si vous m'écoutiez, je n'en serais pas là. Tournez à droite immédiatement. Wow ! Oh ! Hey, donne pas des coups de volant comme ça ! Mais c'est pas moi, c'est la voiture ! Le volant a tourné tout seul ! Pourquoi vous m'avez résisté ? Vous êtes vilain. Laissez-moi vous remettre sur le droit chemin. C'est sympa la voiture assistée, mais là c'est juste dangereux. Dans 200 mètres, tournez à gauche, dans la rue piétonne. Non mais ça va pas, non ? Oh ! Vous l'aurez voulu. Il se passe quoi là maintenant ? Je sais pas, l'autoradio a changé tout seul. Tournez à gauche maintenant. Oh ! Mais sûrement pas ! Mais il prévient même plus le fourbe ! Dérapez à droite. Mais faut faire quelque chose là, j'arrive plus rien à contrôler, même les freins marchent pas. Tiens le coup, j'ai une idée. Inutile de résister, tournez à droite. Mais c'est un sens interdit. Qu'importe, c'est le plus court chemin, accélérez. Allez, dépêche-toi de faire ton truc là. C'est bon, je l'ai. Attention, passage à niveau sur votre route, mais on s'en fiche. J'y suis presque. Passage dans 300 mètres, 200 mètres, hey 100 mètres. C'est bon. Ajoute une étape sur votre parcours. Dans 50 mètres, votre destination super, se trouvera sur votre gauche. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Bon, je vais juste rajouter la station essence sur le trajet. Eh oui, tout ça pour ça ? Mais faut vraiment te calmer, hein, Christine. Bon, allez, on y va. Et merde. Quoi ? Il n'y a plus d'essence.